FrenchPod.com. Il ne fait pas peur, ce film d'horreur. Oui, je suis déçu. Ah, les parents, ils veulent toujours tout nous interdire. Ah, c'est juste le chat. Mais attends, on n'a pas de chat. Pourquoi on n'a pas écouté les parents?